Chapitre 313. L'interdiction pour celui qui a l'intention de sacrifier un animal le jour de l'Aïd de se couper les cheveux ou les ongles les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja jusqu'à l'Aïd. 1706. D'après Salama, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit que celui qui a l'intention de sacrifier un animal le jour de l'Aïd ne se coupe ni les cheveux ni les ongles dès que débute le mois de Dhul-Hijja et jusqu'à ce qu'il accomplisse son sacrifice. Muslim.